Un duel d'officiers par le comte de Ségur. Dans la ville de Lille, on avait une bonne troupe d'acteurs. Les jeunes lieutenants et sous-lieutenants de la garnison se rendaient de si bonne heure et si assidûment à la comédie que les capitaines et officiers supérieurs ne trouvaient souvent plus de place aux premières loges en y arrivant. Le lieutenant du roi de la place de Lille, instruit de ce qui se passait, prit, contre sa coutume, une mesure peu réfléchie. Il défendit aux lieutenants et sous-lieutenants de se placer dans les premières loges avant la fin du premier acte du spectacle. Un pareil ordre étonna et mécontenta tout le monde. Les capitaines de la garnison convinrent tous, pour consoler leurs jeunes camarades, de partager leur sort et de ne point prendre les places qu'on défendait à ceux-ci d'occuper. Étant depuis quelques jours à la campagne, j'ignorais totalement et l'ordre donné et l'effet qu'il avait produit. J'arrive à Lille à l'heure où le spectacle allait commencer. J'entre dans une première loge, un peu surpris de la trouver vide, ainsi que toutes celles du même rang. Ma surprise augmente en voyant des chapeaux sur toutes les chaises de ces loges. C'étaient ceux des lieutenants et sous-lieutenants qui, pour éluder l'ordre, faisaient ainsi retenir leur place. Comme la loge où j'entrais était large, j'avançai une chaise entre deux de celles qui étaient sur le devant et je m'assis, toujours fort surpris du vide de cette première enceinte, tandis que tout le reste de la salle était rempli. Autre étonnement. Dès que le premier acte est joué, toutes les portes des premières loges s'ouvrent et une foule d'officiers y entrent. L'un d'eux, monsieur de la Villeneuve, lieutenant de chasseurs dans le régiment Dauphin-Infanterie, prend place à côté de moi et me dit « Monsieur, vous avez fait tomber mon chapeau qui était sur cette chaise. » En effet, sans y prendre garde, je l'avais fait tomber en m'asseyant. Je lui fis une excuse polie. Mais il me répondit avec une humeur inconcevable qu'une telle impertinence ne se réparait pas par une mauvaise excuse. Je lui répliquai qu'après le spectacle, il aurait une explication sérieuse et peut-être moins satisfaisante pour lui. Nous étant ainsi entendus, il garda le silence. Mais comme il était jeune et impatient, il ne put attendre la fin de la représentation. Après la première pièce, il se leva et me fit signe de le suivre. Au moment où je sortais, un jeune lieutenant de mon régiment, le comte d'Assas, qui se trouvait derrière moi et qui voulait ma place si je ne rentrais pas, me dit, en répétant ces vers d'un opéra comique qu'on jouait, « Ségur, tu t'en vas, pour ne revenir jamais, pour ne revenir jamais. » « Tu te trompes peut-être, » lui répondis-je. Dès que j'eus rejoint au bas de l'escalier mon lieutenant tapageur, nous sortîmes ensemble de la salle, et lorsque nous fûmes sur la place d'armes, comme réellement il avait le cœur aussi bon que l'esprit vif et léger, il me dit après quelques moments de rêverie, « En vérité, nous sommes de grands fous. Nous allons nous couper la gorge pour une bagatelle qui n'en vaut assurément pas la peine, pour un chapeau tombé. » « Cette réflexion est juste, » lui dis-je, « mais un peu trop tardive. Je n'ai pas l'honneur de vous connaître. Le vin est tiré, il faut le boire. » « Comme vous voudrez, » répliqua-t-il. « Sortons donc de la ville. »« Non, » lui dis-je, « il est tard. Et celui de nous deux qui sera blessé ne doit pas rester seul sans secours dans un champ. Allons nous battre sur un bastion. » Il me fit observer que c'était sévèrement défendu et sous des peines graves. « Bon, » repris-je, « qu'importe la défense. En fait de folie, les plus courtes sont les meilleures. Ce sera bientôt fait. Marchons. » Arrivés dans l'intérieur d'un bastion, nous quittâmes nos habits et nous tirâmes nos épées. Comme mon adversaire était ardent et leste, il s'élança sur moi par un seul bond, si promptement que je n'eus pas le temps de parer. Je me sentis le côté frappé. Heureusement, par impétuosité, il avait manqué mon corps, et c'était la garde de son glaive qui m'avait touché. « Ma foi, dis-je en moi-même, d'Assas a pensé prédire juste. » Je chargeai à mon tour mon adversaire et lui donnai en plongeant un coup d'épée. La pointe pénétra dans son corps et s'arrêta sur un os. Il voulut continuer, mais la douleur l'empêchait de se tenir ferme sur ses jambes, ce qui me donnait trop d'avantages. Je lui proposai de cesser le combat. Il y consentit et accepta mon bras pour marcher. Nous rentrâmes dans la ville. À la lueur d'un réverbère, je le vis inondé de sang, et je réfléchis tristement sur la cruauté de nos préjugés. Bientôt, nous trouvâmes un fiacre. Je l'y fis monter avec assez de peine, et je voulus y prendre place à côté de lui, mais il refusa absolument. Attribuant ce refus à un ressentiment prolongé, je lui en montrai ma surprise. « Vous me jugez mal, » me dit-il. « Je suis étourdi, un peu bizarre, passablement entêté même, mais je suis bien loin de vous en vouloir. Au contraire, je veux me punir plus que vous ne l'avez fait. Tout le tort est de mon côté. Je vous ai provoqué sans raison, et j'exige, quand ce ne serait même que pour 10 minutes, que vous alliez reprendre à la comédie la maudite place qui a été le sujet de notre dispute. Après cela, vous viendrez me soigner, si vous le voulez. J'en serai honoré et ravi. Autrement, j'y suis décidé, nous ne nous reverrons plus. » J'eus beau lui dire que je ne pouvais le laisser seul dans l'état où il était, ignorant si sa blessure était mortelle ou non, il ferma la portière et me donna son adresse. Pour le satisfaire, j'allai à la comédie. Je repris à Dassas ma place, en lui racontant mon aventure et en lui rappelant la belle prédiction qu'il m'avait faite sans s'en douter et dont il parut tout attristé. Un quart d'heure après, j'allai chez mon lieutenant blessé, que je trouvais très souffrant mais sans danger. Au bout de 3 semaines, il fut guéri. Il avait fait le récit de cette affaire à tous ses camarades. Elle eut un singulier résultat. L'ordre fut retiré, les querelles pour les places cessèrent, et la bonne intelligence se rétablit entre les officiers des différents grades. 5 ans après, passant à Nantes, lorsque j'allais m'embarquer pour l'Amérique, j'y retrouvai le régiment Dauphin. Mon lieutenant de chasseurs, instruit de mon passage, m'invita à dîner avec tous les jeunes gens de la garnison. Pour cette fois, il n'y eut de choc qu'entre les verres. La gaieté fut cordiale et vive. Je n'ai rappelé cette anecdote que parce qu'elle me paraît propre à peindre l'esprit de notre âge et les mœurs de notre temps. Louis-Philippe, comte de Ségur, 1777.